Hélas, faut-il si tôt que mon bonheur se perde ? Aspasie est outrée et m'a répondu non. Mais j'avoue que ce nom paraissait avoir l'air de venir du fond du cœur et ne sentait pas bon. Ne vous en faites pas. Mais quel est ce jeune homme ? Voilà, monsieur vient comme modèle. Ah, je m'explique. Dans ce cas-là, jeune homme, ôtez votre tunique. Que dit-il ? Il vous dit simplement de quitter votre vêtement pour admirer votre plastique. Pour voir ma plastique assurément, ça c'est charmant. Je vais ôter mon vêtement. Venez, mesdemoiselles, voir un nouveau modèle. Un modèle, un modèle, un modèle. Oh, c'est un modèle, la ligne est belle. Ni gras, ni gros, il est plutôt costaud. Mais il me semble que dans l'ensemble, ce jeune homme a tout ce qu'il faut. Il pourrait faire, je crois, l'affaire. Il est charmant, tu as sûrement raison. Je suis mes belles, nouveau modèle, dernier cri de la saison. Est-ce pour poser un lutteur, nul besoin d'artifice. J'ai des membres à la hauteur, lequel faut-il que je rédise ? Non, je cherche un modèle pour une chose moins ordinaire. Si je vous pensais pour faire quoi ? Faire quoi ? Faire l'amour. Faire l'amour. Faire l'amour. L'amour. L'amour. L'amour. Ça c'est unique et très comique. Ce brave mari qui me choisit pour que je fasse, ça c'est cocasse. Oui, pour que je fasse l'amour. Ça c'est unique et très comique. Ce brave mari qui le choisit pour. Oui, pour que je fasse, ça c'est cocasse. Oui, pour que je fasse l'amour. Eh bien, sans me vanter, je crois avoir toutes les qualités. Sans le faire à la pause, je vous déclare que j'ai pratiqué déjà toutes les poses que l'on connaît à ce sujet. Et je crois pouvoir dire, chacun sa prétention, que toutes les fois je m'en tire en donnant pleine satisfaction. Pour l'amour, pour l'amour, je me crois des dispositions. À Citer, j'ai pris des leçons. Je suis même allé à Singapour. Pour l'amour, je me sens tellement en effet. Fait pour vous plaire, je veux bien faire nuit et jour l'amour. La chose très délicate, c'est d'attraper le mouvement. En quatre temps, moi, je me flatte de bien le prendre immédiatement. Et quelle que soit la tâche, une fois que j'y suis, soyez sûr que jamais je ne lâche le travail que j'ai entrepris. Pour l'amour, je me prends des dispositions. À Citer, j'ai pris des leçons. Je suis même allé à Singapour. Pour l'amour, je me sens tellement dans les faits. Fait pour vous plaire, je veux bien faire nuit et jour l'amour. Maintenant, dites-moi, jeune homme, quel est votre nom ? C'est l'habitude de la maison. Cher monsieur, je me nomme simplement Hardy Médon. Hardy Médon, Hardy Médon, Hardy Médon. C'est vraiment un joli nom. Hardy Médon, Hardy Médon. Selon qu'on tient tout un programme, tout un programme qui plaît aux femmes. Je le porte de tant d'honneur, je suis confus. Mais croyez-moi, mesdemoiselles, je ne suis qu'un simple modèle, une ambitionne, rien de plus. Tant mieux, je crois qu'il est modeste, je le paierai meilleur marché. C'est parmi nous, il reste, on va le déposer, on l'amusera, on le demandera, on l'adorera. De France, disons-lui donc, arrive mais non, ce dont convient tout un programme. Je me doutais de quelque chose. Cette Aspasie est une friponne non fripée. Elle cherche à séduire Périclès. Écoutez comme elle s'excuse d'arriver en retard à l'atelier.